On se transporte maintenant du côté de Québec. Il y a la Fédération des chambres de commerce qui demande un moratoire sur les mesures fiscales annoncées dans le budget Bachand. L'organisme a présenté son mémoire lors des consultations sur le projet de loi 79 qui modifie la loi sur les mines hier à Québec. La Fédération craint que les changements apportés aient des répercussions négatives sur la compétitivité du Québec face à d'autres pays du monde. Jessica Lheureux est à Québec. Bonjour Jessica. Bonjour Jocelyn. Alors, de quoi a peur la Fédération des chambres de commerce du Québec? Bien, la Fédération pense que le gouvernement va trop vite dans sa réforme du régime minier. Elle explique que des consultations auraient dû aussi être tenues sur les mesures fiscales annoncées dans le budget du ministre des Finances, Raymond Bachand, à la fin du mois de mars. Le ministre a annoncé, entre autres, une hausse de 4 % du taux d'imposition pour les compagnies minières et l'augmentation des droits miniers. Pour le vice-président finance pour la Corporation minière Osisko et président du comité mine à la Fédération des chambres de commerce du Québec, Brian Coates, le budget combiné au projet de loi 79 vient de fragiliser l'industrie minière au Québec. Ça va accroître les coûts. On regarde une augmentation assez importante. On regarde que quand même le gouvernement anticipe d'aller recueillir un 240 à 250 millions de dollars de l'industrie minière sur, je pense, une enveloppe globale de 850 millions de dollars. Et Jessica, qu'en pense le ministre délégué aux ressources naturelles, M. Serge Simard? Bien, le ministre affirme qu'il comprend les craintes de la Fédération, mais selon lui, il est loin d'avoir péril en la demeure. De toute façon, Serge Simard explique qu'il est impossible de faire marche arrière et d'imposer un moratoire. La première préoccupation que le gouvernement a au niveau de faire les réajustements au niveau des lois, c'est les 15 000 emplois directs de l'industrie et les 30 000 emplois indirects. Donc, on a toujours ça en arrière-plan et on travaille en fonction de ça pour s'assurer qu'on demeure avec une industrie qui est compétitive mondialement parce qu'on est en compétition mondiale à ce niveau-là et s'assurer justement qu'il va y avoir des retombées et de la création de richesses sur l'ensemble du territoire du Québec. On a toujours ça en préoccupation et c'est avec ces préoccupations-là qu'on travaille. Maintenant, il y a d'autres groupes qui ont aussi été entendus hier lors des consultations, dont la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Quel a été le message de la FQM? Bien, la FQM demande une harmonisation entre la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les mines, un sujet que nous avons discuté ensemble, Jocelyn, à des matins en or, il y a quelques semaines. En fait, les villes souhaitent diminuer le pouvoir des minières sur leur territoire et c'est pourquoi elles réclament l'abolition de la préséance des droits miniers sur l'aménagement de leur territoire. C'est que pour le moment, rien ne peut empêcher le jalonnement, l'exploration ou l'exploitation des substances minérales sur le territoire d'une MRC. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Bernard Généreux, est convaincu que les MRC sont en mesure de planifier leur territoire dans une optique de développement durable. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on n'ait pas un mot à dire en termes de responsable de l'aménagement de nos territoires en regard des conséquences de ce type d'exploitation-là? Donc, moi, je pense qu'il faut gérer ces projets-là dans les mêmes paradigmes de valeurs que l'on impose à toute autre forme de développement. Puis, il est inacceptable là, qu'en 2010, tout le secteur minier échappe à cette exigence démocratique. Et pour avoir lu plusieurs mémoires de différents groupes, comme la ville de Rouyn-Noranda, la ville de Sept-Îles et l'Union des municipalités du Québec, il s'agit d'un point qui revient régulièrement. Mais à ce sujet, le ministre est demeuré très vague. Il s'est contenté de répondre qu'il allait analyser l'ensemble des mémoires. Et en terminant, Jessica, il y a les auditions qui se poursuivent aujourd'hui à Québec. Qui sera entendu? Parmi les groupes présents, il y aura la Corporation minière Osisko qui travaille présentement sur son projet de mine d'or à ciel ouvert à Malartic. Et on pourra aussi entendre la CSN. Merci beaucoup, Jessica Lheureux, qui est en direct de Québec. Je vous en prie, Jocelyn. Au revoir. Au revoir.